voire quatre Gatherius 30, les voix prestigieuses du credo unicum comme nous l'avons connu tout au long de l'histoire, l'être humain est inséparable des autres créatures animales. Sauf à travers les structures biologiques qui se trouvent dans l'esprit, ce sont les cellules qui régulent le travail des gènes génétiques et elles produisent des corps. C'est l'expression d'un équipement de laboratoire pour une usine qui fonctionne automatiquement et se copie dans l'existence sans fin, et c'est le trait des êtres vivants. En particulier de tous les animaux, et donc l'être humain n'est rien d'autre qu'un numéro de série dans la même liste et ne le distingue pas de ses collègues du total des animaux. À l'exception de son comportement sublime, qui a été élevé selon la transcendance de son esprit distingué par la nature, ainsi que ses actions sont devenues différentes des autres catégories d'animaux. Et chaque fois qu'il a ignoré le rôle de son esprit, dans toute activité qu'il entreprend, en termes de mise en œuvre de son comportement ou de ses actions, il a totalement reculé alors que l'humain qui est mentalement sophistiqué à la liste de COT ses collègues des animaux où son corps repose absolument en vertu de la nature ainsi. Il peut devenir mortel ou monstre, affectant négativement la vie de l'humanité, comme c'est le cas des animaux dans ces forêts et dans ce contexte. Les sociétés humaines ont recouru tout au long de l'histoire à la promulgation de lois et coutumes et traditions qui ont été appelées aspects sociaux généraux et considérées comme l'hypothèse des religions et des croyances et restent dans ces droits personnels spéciaux à condition qu'ils ne violent pas les droits d'autrui. Mais que ces lois et coutumes et traditions le publient, il doit évoluer et changer d'un âge à l'autre. Selon la nature des êtres avancés par le développement de son esprit et l'étendue de ses connaissances, ou seulement tout environnement communautaire en les sociétés humaines, sont devenus un environnement fossilisé, attaché à une époque de l'histoire, reflétant à une autre époque une situation socialement humiliante. Les germiboussent, les mouches s'en nourrissent. D'étranges créatures s'y multiplient et des monstres s'y battent, alors nous le credo unicum, nous modélisons nos parcours qui suivent de temps en temps leur époque contemporaine. Alors suivez-nous dans les détails, ces voies appartiennent à ceux dont les praticables l'approche unicum comme une croyance sociale, et non pour les militants. Les adeptes ou les lecteurs de la philosophie unicum comme une pensée globale ou comme activité scientifique dans un souci de connaissance et de conscience. Ces voies prestigieuses sont des attitudes personnelles, basées sur les principes de base et les visions intellectuelles du credo unicum en termes de nature, de destin et d'origine de l'existence et de l'univers et des nécessités et exigences de l'humanité et de la vie. Ce sont la pensabilité, pas la crédibilité.